I'm going crazy. Let's start the fashion, baby. I'm going crazy. Let's start the fashion, baby. I'm going crazy. Let's start the fashion, baby. S'il te plaît, il me semble que tu n'es jamais satisfait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te plaire? Dis-moi vite, car je perds la patience, tu sais. Tu sais quoi, moi, tu te choches, moi, ta mine, c'est tchalor. L-A-U-R-E-L-A-U-R-E-L-A-U-R. Ta me choix, moi, ou coaching, ta chanque, yo, bien, tu quoi? La la la la la la la la la la la la la la. 别管我今天穿什么，感觉不太习惯。我有点邋遢，有点懒，但也喜欢打扮。其实我内心很简单，只想要不一般。管你喜欢或不喜欢，爱看或不爱上。 Remercier de m'épargner la peine, de tenter à chercher en toi ma raison d'être. Peut-être dois-je changer de parfum, ou te faire croire que sur mes épaules j'ai des ailes. Mais non, tu n'en sais rien sur moi, je t'assure. 别管我今天穿什么，感觉不太习惯。我有点邋遢，有。